desbloqueo mode africain, quoi. J'ai une fois là, j'ai commencé à parler là comme un africain, puis je suis resté bloqué, hein. Et je suis oublié de parler comme ça. C'est vraiment que ça me joue de tout, hein, ce truc là. Voilà, je suis obligé de chanter, de danser toute la journée là. En train de vider des bêtises. Hein. Ouais. Pas dit que les Africains disent des bêtises, hein, mais. Tout en train de danser, tout en train de. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.